Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Monsieur Proust ne pouvait supporter les parfums, naturels ou artificiels, sous peine d'une crise d'asthme. Il ne pouvait même pas tolérer les fleurs, si nulles ou faibles que soit la senteur. Cette sensibilité aiguë qu'il avait, et qui était liée à sa maladie, se manifestait en toutes sortes de choses. Un soir, où il sortait en grand habit, je lui avais préparé des gants blancs, très élégants, tout propres. Je venais de les faire nettoyer. C'était au début, je ne savais pas. Je lui passe sa pelisse, il l'enfile. Il était de très bonne humeur, tout rieur, parce que je lui avais fait probablement une remarque qui l'avait amusé. Tout à coup, en prenant ses gants, il cesse de rire, et il me regarde avec son œil scrutateur. Ses gants ont été nettoyés, Céleste. Moi, devinant que j'avais mal fait, j'essaie de prendre un air innocent. Je ne pense pas, monsieur. Enfin, voyons, Céleste, vous savez bien si oui ou non vous les avez fait nettoyer. Moi, en tout cas, je vous dis qu'ils l'ont été. Ils sentent l'essence. Le connaissant déjà un peu, je m'étais pourtant assurée, en les reniflant sous toutes les coutures, qu'il ne sentait rien. Je recommence le jeu et je lui dis « Monsieur, je vous assure qu'ils sont impeccables. Et moi, je vous répète qu'ils sentent l'essence. Allez m'en chercher d'autres. » J'ai baissé le nez et dit « Bien, monsieur. » Et jamais plus je n'ai péché. Mais il n'y avait pas que les odeurs. Comme tous les asthmatiques, quand une crise le prenait, il éternuait et devait se moucher sans fin. En prévision, il fallait toujours lui mettre à disposition des piles de mouchoirs sur la petite table de service à son chevet. Quand il s'était essuyé le nez une fois avec l'un d'eux, sans se moucher jamais, il le jetait par terre. Comme je m'extasiais sur la finesse du tissu des mouchoirs, il m'avait expliqué qu'il ne pouvait les supporter autrement en raison de l'extrême délicatesse de ses muqueuses. Un jour, c'était juste après la guerre de 1914, à une époque où, sur la proposition de Monsieur Proust, ma sœur Marie était venue m'aider un peu auprès de lui. Un jour, donc, il me prit de lui acheter des mouchoirs. Je dis à ma sœur, tu vas aller au bon marché et tu en choisiras de très beaux, les plus fins. Marie revient avec des mouchoirs très jolis, en effet, très finement tissés et avec une belle initiale bien brodée, mais qui me donne tout de suite l'impression d'être malgré tout un peu trop solide. Je les montre à Monsieur Proust, il jette dessus un coup d'œil et me dit « C'est inutile, Céleste, jamais je ne me servirai de ces mouchoirs, faites-en ce que vous voulez. » Mais monsieur, vous verrez, une fois bien lavés et repassés, je vous promets qu'ils auront perdu leur apprêt du neuf. Il ne dit rien, je les lave, je les repasse très soigneusement et dans la pile, un jour, je les mélange aux usés. Venant à s'en servir, il m'appelle. « Céleste, je vous ai dit que je ne pouvais pas utiliser ces mouchoirs. Je vous prie de bien vouloir comprendre que ce n'est ni une idée ni un caprice. Ils ne sont pas assez fins. Ils me causent une espèce de chatouillement aux narines qui me donne des éternuements et c'est très mauvais pour mon asthme. Donc ne me les donnez plus, s'il vous plaît. » J'ai voulu essayer encore. Je les ai lavés et relavés, repassés et remélangés au vieux. D'abord, il ne s'est pas manifesté. Il a attendu que je vienne pour autre chose. Quand je suis entrée, d'une main, il tenait un mouchoir. De l'autre, il a pris les petits ciseaux dont il se servait pour se tailler les ongles. Il me regarde. Puis il me dit, avec sa douceur inflexible, « Ma chère Céleste, je vois bien que vous n'avez pas compris du tout. Alors je vais vous montrer. » Et en même temps, il se met à couper un mouchoir avec ses ciseaux. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il était tout en lambeaux. Ensuite, il a ajouté « Est-ce que vous avez compris maintenant ? Mettez-vous cela une fois pour toutes dans la tête, Céleste. Les mouchoirs ne deviennent agréables que lorsqu'ils sont usés comme les chaussures. Désormais, nous nous contenterons des vieux mouchoirs. » Son grand remède contre l'asthme, le seul dont il s'est fait une pratique régulière, c'était les fumigations. Ce que nous appelions entre nous « fumer ». Je crois bien que c'est de moi qu'il avait repris l'expression. C'était une poudre gris-noir qu'on allumait et tout était organisé pour l'opération. Les allumages se faisaient à la cuisine, car il ne fallait surtout pas la moindre odeur de soufre, ni même d'allumettes dans les parages de sa chambre. tous les matins, ses matins à lui, c'est-à-dire l'après-midi, à son réveil et avant son café, il fumait. Mais le café pris, c'en était fini avec les fumigations. Monsieur Proust ne fumait plus de la journée. Pas même les nuits où il sortait et où il lui arrivait de rentrer très fatigué. Naturellement, toute cette fumée posait un problème, étant donné qu'il n'était pas question d'ouvrir les fenêtres tant qu'il était là. Heureusement, boulevard Haussmann, il y avait de grandes cheminées profondes, avec un excellent tirage. On allumait donc du feu tous les jours, aussitôt après les fumigations, même en plein été. Feu de bois uniquement, bien entendu, car il n'aurait pu supporter l'odeur du charbon. Et la fumée s'évacuait très rapidement ainsi. À part ma cuisinière qui ronflait dans la cuisine, ces feux dans la cheminée étaient tout le chauffage de l'appartement. Il y avait bien le chauffage central avec une installation très soignée, mais là non plus, il disait ne pas pouvoir le supporter, à cause du dessèchement des muqueuses, du nez et des bronches que cela provoquait. Et moi, comme je faisais toutes ses volontés, je ne voyais rien à redire à ces hivers dans l'appartement. Pourtant, Dieu sait si lui-même il était frileux. Sa chaleur, il la prenait surtout à ses bouillottes et à ses tricots. Il fallait le voir dans son lit, allongé, à peine relevé, bien qu'il ait dans son dos deux oreillers l'un sur l'autre. Il m'appelait et me disait « Cher Céleste, je m'excuse de vous déranger, mais je sens un peu la fraîcheur. Voudriez-vous avoir la bonté de me passer un tricot pour que je le mette sur mes épaules ?» Il le prenait et se le jetait lui-même sur le dos comme une pèlerine, sans jamais l'enfiler. Parfois, je lui disais « Monsieur, vous allez me permettre de vous l'arranger un peu par-dessous. Non, non, non, non, surtout pas, n'y touchez pas, vous me refroidiriez. » Parce qu'il coulait derrière lui, il lui arrivait d'en accumuler comme cela 4 ou 5 à la longue. Cela lui faisait presque un siège. Parfois, il faisait allusion à son état, sa fatigue, ses bronches, mais c'était tout. Je le voyais allongé dans son lit, immobile, les yeux fermés, faisant signe de ne pas parler. Et 2 ou 3 heures après, il était habillé, il sortait. Il était capable de rester 6 ou 7 heures debout. Et quand il rentrait, quelquefois à 4 ou 5 heures du matin, c'était encore pour me tenir 3 ou 4 heures de conversation, avec un air de gentleman de 20 ans. Je me suis souvent demandé comment il pouvait supporter cela. Comment il pouvait passer de son silence, de son repos, de son travail solitaire et de la lueur de sa petite lampe, à l'éblouissement des gens et des lumières, au bruit et à des atmosphères qui, pour lui, devaient être pleines de microbes. Chaque fois que je lui posais la question, la réponse était la même. « Il le faut, Céleste. » C'était pour son livre qu'il le fallait. Voilà ce qu'il voulait dire. Pour aller chercher la provente de son livre, il aurait fait n'importe quoi. Cela le portait. Avec moi, il lui arrivait de se retrancher tout à coup et de dire « Excusez-moi si je ferme les yeux et si je ne parle pas. J'ai besoin de repos. » Et je savais parfaitement ce que cela signifiait. Ce n'était pas un mensonge. Le mot ne me venait même pas à l'esprit. En fait de repos, je savais que, allongé là, immobile dans son lit, il voyageait dans son livre et dans son temps retrouvé. C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenir recueilli par Georges Belmont et publié aux éditions Lafon. Thank you.